علم أخير. إذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنة رسول الله ورجعنا إلى أقوال العلماء دائما اطلب العلم أخير فهذا شيء مطلوب إن شاء الله. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرم فخور. Mes compagnons comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wa salam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala al-Mustafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. On continue inshallah ta'ala. Et on est avec la quatrième, combienième intervention là? Quatrième intervention, je pense. Hein, on a fait deux, trois hier, quatre, cinquième intervention, c'est ça? Donc cinquième, bi'idhnillah azza wa jal, ensuite on va arrêter quelques minutes avant le Maghrib. Et ensuite, entre le Maghrib et l'Isha, il y en aura une sixième. Et je pense que ça sera la dernière, la sixième. Donc ici, inshallah ta'ala, je pense que ça sera la dernière. On verra bi'idhnillah, parce que comme je vous ai dit, demain après le Jumu'ah, il y a l'intervention du Cheikh, il y a la traduction, et je vais laisser un moment, inshallah, sûrement demain après l'Asr, pour prendre les questions et surtout pour donner يعني سأعطيكم بعض الوصايا وأعطي هذه الوصايا إن شاء الله تعالى أولا يعني avant tout à moi-même le premier. Ici certaines recommandations que je donnerai ici à vous et particulièrement et principalement et en premier à moi, inshallah ta'ala. Donc je pense qu'il y a cette intervention, la deuxième intervention tout à l'heure entre le Maghrib et l'Isha, et ici on clôturera avec l'intervention du Cheikh, la traduction demain du Cheikh, et les derniers conseils que je donnerai demain, et en donnant la liste de livres que je vous recommanderai pour votre bibliothèque, impératif, d'accord, pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir avancer dans l'apprentissage de la science en arabe. Une liste en arabe et une liste en français de livres que je connais qui sont traduits en français du moins, inshallah ta'ala. Je donnerai les éditions et la akhiri. Donc on s'est arrêté avec le hadith rapporté par Ibn Majah, Sahih al-Hadith, Al-Albani fi Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. D'accord, de l'imam al-Munzir, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Et donc on avait cité le tahqiq de Sheikh al-Albani concernant ce livre qui est impératif à avoir et on le citera demain, inshallah ta'ala. Et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam avait blâmé à sahaba radiyallahu anhum ardam quand ils ont utilisé des versets, d'accord, et qui se renvoyaient chacun un verset, l'autre renvoyait un autre verset, et ainsi de suite, il a akhiré. Et le prophète alayhi salatu wassalam les a blâmés. Et ici, il leur a dit de cesser cette manière de faire, et on avait dit que quand les gens se renvoient les versets entre eux, c'est ceux qui utilisent des versets, d'accord, qui en général ont plusieurs sens ou peuvent avoir plusieurs interprétations. Et ceux-là, en général, ils délaissent les versets qui sont muhkam, clairs. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, depuis le début, il a éduqué les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, de se limiter à ce qui est clair, wadih, et de ne pas utiliser l'islam pour se diviser et pour se disputer. Clair? On ne doit pas utiliser kitabullah et la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, pour se diviser et pour se disputer. Sinon, on rentre dans ce qu'on appelle al-jidal. D'accord? Ce qu'on appelle la controverse, ou bien la polémique. Et ici le cheikh il rentre dans ce sujet là maintenant et on passe à cette étape là après avoir parlé de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, après avoir parlé du fait de s'écarter et de s'éloigner des gens, d'accord, al-hujran, et quel hukm avait al-hujran, et on avait dit que ça devait être utilisé comme ad-dawa, un médicament ila akhiri. On a parlé de l'amour et le fait de détester en Allah azza wa jal, et le cheikh là il nous montre: attention, il faut s'écarter de Ahlul Bida', Ahlul Ma'asi, et on dit ça après avoir compris c'est quoi une Bida', c'est qui le Mubtadi', c'est quoi le Ma'asiya, c'est qui Ahlul Ma'asi. Pour ça que j'ai prolongé dans l'introduction, pour vous apprendre et s'éduquer à comprendre la base du sujet avant d'ouvrir des livres. Si moi je serais rentré directement dans les ahadith, et dans les nusus, et dans les versets, Et dans les athar, je vous ai dit, c'est comme une personne qui va ouvrir un livre chez lui tout seul, et il va lire al-bida, al-bida, al-bida. Il sait même pas de quel ahlul bida il parle. C'est qu'il mubtadi, c'est quoi la bida, comment on doit se comporter, ça veut dire quoi l'hajr, ça veut dire quoi, comment ici on doit se désavouer d'une personne, pourquoi, quand. Donc il va être perdu. Pour vous apprendre à savoir lire les livres. C'est ça qui est important, ça ne suffit pas d'avoir plein de livres. Si tu sais pas, attention, ça va ici te jouer de mauvais tours. Ça va te jouer de mauvais tours. Wadih. Et ici, on va continuer à le voir. Là, il rentre dans la porte de El-Jidel. Donc déjà, il nous cite certains textes qu'on a cités pour nous mettre en garde par rapport à ça. Et on continue avec les textes. Et on est au texte numéro, ici, 12. Où le prophète, alayhi salatu wassalam, qala alayhi salam, la tujalisu ahl al-qadar, fa innahum alladhina yakhuduna fi ayati Allahi azza wa jal. Et ça, ce hadith-là, da'afahu al-albani, rahimahullahu ta'ala, fi da'if al-jami'. Ça, c'est un livre important et essentiel d'avoir dans votre bibliothèque. Da'if al-jami' de Cheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Et on parlera d'eux, ici, de ces gens-là, ahlul qadar, par la suite, incha'allahu ta'ala, parce que ici, le hadith, il est faible, mais le sens, il est bon. Et le prophète, il a dit, la tujalisu ahl al-qadar. C'est-à-dire, ne vous asseyez pas, ne participez pas aux assises. C'est-à-dire, c'est comme s'il te disait, ibta'idu min ahl al-qadar. Éloignez-vous de ahlul qadar. Wadih, des gens qui nient le destin et qui disent quand il se passe une chose, ce sont les gens qui vont dire tu as le libre arbitre. Et nous, ahl sunnati wal jama'a, on le reconnaît, on a le libre arbitre. Wadih. Walakin, tout ce qu'on fait, cela dépend de la volonté de qui? Allah. Cela dépend de la volonté d'Allah. Ahlul qadar, d'accord, où on les dit al-qadariya, ces gens-là, ils disent que tu as le libre arbitre, mais ils rentrent dans l'excès et ils disent que ce que tu fais, tu as le libre arbitre et cela ne dépend pas de la volonté d'Allah. Wal'iyadu billah. Alors qu'Allah il dit clairement, wadih, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Et ça, c'est des versets muhkam, clairs. Et ils vont te renvoyer à quoi? Al-mutashabih. Et certains, ils vont jusqu'à dire, wal'iyadu billah, Allah ne sait pas ce qui va se passer. Allah, il sait ce qui s'est passé. Et ici, il te donne le libre arbitre. Et il va te juger par rapport à ce que tu fais au moment présent. Et, mais il ne sait pas ce qui va se passer. Certains le disent, wal'iyadu billah. Et ici, le prophète, il dit, wa la tujalisu ahl al-qadr fa innahum alladhina yakhuduna fi ayati Allahi azza wa jal. Donc cela, ils jouent ici et ils le comprennent mal et ils mettent dans des contextes qui ne sont pas des contextes appropriés les versets coraniques. Et donc cela, la tujalisuhum, cela ne t'assoit pas et ne participe pas à leurs assises, wal'iyadu billah. Mais ne va pas mettre des hadiths et les adapter avec des gens qui ne font ni partie de ahlul bid'ah. Et ni partie de l'Qadariya, et ni partie de l'Jahmiya, et ni partie de l'Mu'tazila, et ni partie de l'Akhiri. Et toi tu vas adapter tous ces textes à eux. Non, on a vu c'est qui le Mubtadi', on a vu c'est quoi le Bid'a, on a vu de... Il faut mettre chaque chose à sa place. Wa hadha al-hadith hadithun da'if, walakin min haythu al-ma'na, fa huwa sahih. Dans le texte qui vient après, rapporté par Abu Daoud, ici, sahah al-hadith, al-Albani fi sahih al-jami'. Et ça c'est le texte numéro 13. قال عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر أي الجدال في القرآن كفر. Prophète عليه الصلاة والسلام il a dit la polémique dans le Coran, c'est-à-dire concernant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr, c'est-à-dire c'est de la mécréance. Et ici le sens de cela, قال العلماء الجدال في القرآن الكريم قد يؤدي إلى الكفر. La polémique, la controverse dans le Coran al-Karim concernant le Coran, les versets d'Allah Azza wa Jal, قد يؤدي إلى الكفر. Clair? Il peut te mener vers le kufr. Donc si tu comprends ici, dans le premier sens, sans explication ce texte-là, tu vas dire, bah khalas, dès que quelqu'un va rentrer dans le jidal dans le Coran, c'est un kafir. Al-ulama, ils ont expliqué, ils ont dit, al-murad, ici, al-jidal, fi al-Qur'an, قد يؤدي إلى الكفر. Il peut te mener vers le kufr. Et ça c'est la vérité. Pourquoi? Et pourquoi il a placé là le texte? Ibn Battah rahimahullah ta'ala, pour rappeler et donner une réponse à ceux qui sont tombés dans le kufr. À cause de quoi? Al-jidal fil Qur'an. Donc ces gens-là qui sont sortis de l'islam, d'accord, qui ont mal interprété, qui ont trop polémiqué avec les versets coraniques, qui sont trop rentrés dans al-ara, dans les je vois, je crois, je pense, dans at-ta'wil, dans les interprétations, beaucoup d'entre eux sont tombés dans le kufr. Et c'est ça le sens voulu. À force de chercher des choses et d'ouvrir des portes où il ne faut pas, et de chercher des explications où il n'y en a pas eu concernant les versets d'Allah, attention, il te dit, là, il te met en garde, tu peux tomber dans le coffre. Comme l'ont fait Ahlul Bida'a. Clair? Et ici, comme on a dit tout à l'heure, il peut arriver, d'accord, au fait que le Coran al-Karim se contredit à force de polémiquer en utilisant des versets. C'est-à-dire que, à force d'utiliser des versets coraniques qui, de façon apparente, il prête à contradiction, et à force d'utiliser ces versets coraniques, d'accord, on parle toujours de al-mutashabi, cela peut te mener facilement vers al-kufr. Facilement. Je dis pas, il peut te, facilement. Tu peux glisser facilement vers al-kufr. Parce que là, tu parles d'Allah, des attributs d'Allah, de kalamullah. Et ici, parler sur Allah Azza wa Jal sans science, ça fait partie des plus grands des péchés. Et ça fait partie des plus grandes des abominations. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Ici, Allah Azza wa Jal, il dit aussi dans un autre verset coranique, comme on l'a cité tout à l'heure, est-ce que vous êtes plus savant, ou bien Allah est plus savant? Ça, c'est une réponse à ceux qui disent, oui, cela veut dire, Allah t'a pas expliqué, donc tu prétends être plus savant qu'Allah. Allah te dit, êtes-vous plus savant, ou Allah Azza wa Jal est plus savant que vous? Donc, tu parles sur Allah sans science, tu mens sur Allah, tel est le comportement de qui? De ceux qui ne sont pas musulmans. Ils mentent sur Allah. C'est pour ça, les ulama, ils disent, ça fait partie des plus grandes, des grands des péchés, les plus grandes, des abominations, le fait de quoi? De parler sur Allah, Jalla wa Ala, sans science. Et de rentrer dans la polémique, alors qu'il n'y a pas ici de but et d'intérêt de polémiquer dans des versets coraniques ou même dans des sujets religieux. Et là, on continue dans la polémique al-jidal. Al-jadal ici, c'est-à-dire la controverse, la polémique, et on fait une bifurcation vers le livre que je vous avais cité, et je vous ai dit on allait s'arrêter quelques instants avec ce livre rapidement, hein. Et je vous recommande ce livre-là. Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Le bienfait, le mérite de la science des salaf par rapport à la science de al-khalaf. Et ce livre-là, Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un savant du 8e siècle, il rappelle ici les différents types de sciences. Donc il y a différents types de sciences. Donc bien sûr, il y a les sciences de sciences profanes, il y a les sciences religieuses, il y a la science dans la religion qui s'appelle al-ilmu nafi', c'est-à-dire la science bénéfique. Et comme a fait le sahih, le prophète alayhi salatu wa salam, il disait Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. ورزقًا طيبًا. Le prophète عليه الصلاة والسلام il disait, le prophète عليه الصلاة والسلام il disait dans un hadith authentique, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعوة, dans ce hadith là de muslim, ومن دعوة لا يستجاب لها. Le prophète il cherchait protection lui-même contre une science, écoutez bien, لا ينفع, vous imaginez, qui n'est pas bénéfique. Donc ici, il insiste, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, ici sur le fait d'apprendre la science et que cette science soit une science bénéfique. Mais si toi tu apprends la science et cette science te joue des tours dû à ta mauvaise compréhension, et ici que cette science soit une hujja contre toi au jour de la résurrection, et que cette science tu l'utilises pour faire du mal, et que cette science tu l'utilises pour polémiquer, et que cette science tu l'utilises pour rabaisser des gens, cette science-là sera une cause de ton entrée, hein, ou finnar wal iyadu billah. D'accord? Ou la façon plutôt dans laquelle tu as emprunté le chemin de cette science, appris cette science et utilisé cette science, ça sera une cause sûrement de ton entrée en enfer. Comme le prophète il l'a cité, parmi les trois personnes, les trois personnes qui seront les premiers interrogés au jour du jugement, qui rentreront en enfer, et à qui? Celui à qui Allah Azza wa Jalla il a donné quoi? Hein? Une science. Et ici, qu'est-ce qu'il aura fait? Est-ce qu'il aura appris sincèrement et il va dire qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, j'ai appris le Coran, j'ai appris la science et je l'ai transmis. On va lui dire, tu as menti. Tu ne l'as fait que pour qu'on dise, oh, Fulan, il a de la science, il a appris le Coran, il a... Et il a été dit. Et ici, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il rappelle qu'Allah, il va dire, prenez-le et jetez-le en enfer. Donc ici, il a appris la science. Mais est-ce que c'était une science bénéfique? Non, parce que le résultat de la science bénéfique, c'est quoi? On a dit, man salaka tariqan, celui qui utilise un chemin, yaltamisu fihi ilman, et ici un chemin, ici vers la science. Allah lui facilite un chemin par la cause de ce chemin qu'il a utilisé pour apprendre la science, un chemin vers le paradis. C'est ça le but. La science, elle te ramène, bi'idnillah, vers le paradis. C'est un chemin vers le paradis. Amma, quand tu l'utilises mal, cette science, c'est un chemin vers l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wasalam, dans beaucoup d'hadiths, il a rappelé que celui qui apprend la science pour polémiquer ou alors pour rentrer dans le jidal ou rabaisser les faibles d'esprit ou alors polémiquer avec les gens de science, ici celui-là rentrera en enfer. Voilà, yadu billah. Donc il faut faire attention à l'ilm ou nafi'i, il en parle. Le shir, et vous revenez sur ce livre-là qui n'est pas long, mais qui est très bénéfique. Et ici, quand il parle de l'ilm ou nafi'i, il insiste sur le fait que ça doit laisser des bonnes traces. L'ilm ou nafi'i, c'est celui qui laisse des bonnes traces sur toi et sur ton entourage. Tu deviens ici une source de bienfaits pour ton entourage, pour les gens, quand tu côtoies les gens. C'est-à-dire que tu apportes du bien aux gens. C'est-à-dire que à travers ta science, ici, tu arrives à apporter le bien autour de toi. Et ça se manifeste et ça laisse des traces dans ton comportement et dans ton entourage. Tu vas dans un endroit, tu es bénéfique pour les gens. Tu es bénéfique pour toi. Tu es bénéfique pour ta famille. C'est ça la science bénéfique. Et la science bénéfique, tu vas la voir sur une personne s'il a de la science bénéfique ou pas. Si tu le vois avec un bon comportement, si tu le vois qu'il transmet la religion comme il se doit selon le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, si tu vois qu'il applique cette science, ça c'est une science bénéfique. Wadih? Et la science bénéfique pour l'acquérir, il te faut impérativement un bon comportement. Et cette science, plus tu vas apprendre la science, et plus ça va te permettre d'améliorer ton comportement et de persister dans le bon comportement, bien que, avant d'apprendre la science, il te faut apprendre le comportement. واضح قبل ان تتعلم تادب يا عبد الله وتعلم الادب avant d'apprendre ici sois éduqué et apprends les bienséances et les règles de politesse. Mais quand tu vas avoir de la science après, quand tu as eu des bases sur le comportement, à ce moment-là, quand tu vas avoir de la science, ça va te permettre de maintenir ce bon comportement et de l'améliorer, et de l'améliorer ton comportement. واضح. Et c'est pour ça que beaucoup de salafs et beaucoup de grands imams, ils disaient, on apprenait le comportement, on apprenait l'indulgence, on apprenait la bienveillance, on apprenait avant d'apprendre la science. Clair? Et ça, c'est extrêmement important, le fait d'avoir un bon comportement avant d'apprendre la science et pendant que tu apprends la science. Et c'est pour ça, al-ulama, en général, quand ils font des programmes de science avec leurs élèves, ils commencent souvent par des livres sur le comportement. Adab talib al-ilm. Adab talab al-ilm. Les bienséances dans, concernant l'étudiant en science. Les bienséances dans la demande de la science. Et ils étudient souvent, Hilyatou Talibul Ilm, parmi les contemporains maintenant, le livre de Cheikh Bakr, et qui t'apprend à comment te comporter avec ton cheikh, avec la science, comment tu dois apprendre la science, il a akhiré. Avant de rentrer dans tous les sujets de science. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que si toi tu commences à apprendre beaucoup de science, mais tu n'as pas le comportement, tu vas utiliser cette science d'une mauvaise façon. Tu vas faire du mal aux gens. Ou alors tu vas parler et transmettre cette science avec dureté, avec un mauvais comportement. Est-ce que cette science, ça sera une science bénéfique? Non. Tu vas même pas donner envie aux gens, ici, de t'écouter. Donc c'est pour ça, on dit, il faut apprendre le comportement avant d'apprendre la science. Et quand tu as la science, tu dois améliorer et persister dans la, dans le bon comportement. Wadih? Et même, cela, et je vais vous donner les textes, hein, qui prouvent cela. Et cela aussi, se voit dans l'éducation des enfants. Ton enfant, tu dois lui apprendre la science. Mais tu dois toujours, avant, pendant et après, insister sur le comportement. Imagine-toi. Toi, tu vois un enfant, il a par exemple 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et mashallah, tabarakallah, il a fait un bon programme religieux. Il est hafid, il a appris le Coran kamil. Il a appris des ahadith. Il a suivi des cours de science, il a que 10 ans, 12 ans. Mais par contre, dès que tu le vois, à peine il te salam, il crie, il t'insulte, il crache partout. Akramakumullah. Il fait des bêtises, il écoute pas ses parents. Est-ce que toi tu vas dire Allah iberk, Wallahi, même s'il a appris des textes et des textes, des hadiths et des hadiths, Al-Qur'an Kamil, et là, il va te, quelque part, dégoûter. Quelque part, tu voudras même pas, ici, lui donner d'importance. Même tu vas le voir d'un mauvais œil, c'est vrai ou pas? Comme une personne qui a beaucoup de science. Mais par contre, quand tu le rencontres, à peine il te salame, à peine il sourit. Il se comporte mal avec toi, même s'il a 4 tonnes de science. Est-ce que il va te donner envie de te comporter bien avec lui? Ou alors de l'écouter, il a même pas réussi à gagner ton cœur. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, toujours il essaie de gagner quoi? Les cœurs des gens. Et il a gagné le cœur des gens. Quand la porte est ouverte, transmet bi ibnillah azza wa jal. Al-Qur'an wa sunna bi fahmi salaf al-umma. Mais ouvre d'abord la porte. Et pour ouvrir la porte, il faut quoi? At-tawfiq min Allah. Min al-asbab, c'est d'ouvrir, de gagner les cœurs, c'est comment? Avec ton comportement. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a dit, Serge, j'ai été envoyé pour li utammima makarim al-akhlaq, pour parachever, compléter les bonnes manières. Wa law kunta faddan ghaliz al-qalb lanfaddu min hawli. Si tu étais rude, dur de cœur, il se serait enfui de ton entourage, bien qu'il a le wahi. Al-adab, al-akhlaq. Clair, ça veut pas dire que quand ton chir ou quand une personne à côté de toi elle est un peu dure quelquefois, ça veut dire qu'il a pas le bon comportement. Ça, c'est pour éduquer. Ça, c'est pour éduqué. Et ça, c'est connu chez tous les savants et tous les machaïkh, il est akhiri. Wadih. Mais le comportement de base, tu sais que la personne, elle est, elle a al-hilm. Elle a la douceur, elle a la gentillesse. Et ça, c'est extrêmement important. Ma min shay'in athqal, comme قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح, في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant. يوم القيامة من حسن الخلق. Dans la balance du croyant au jour de la résurrection, que quoi? Les bonnes moralités, les bons caractères. قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Les croyants qui ont la foi la plus complète, ce sont ceux qui ont quoi? Regardez, on parle de iman, de aqida. On revient à quoi? Le comportement. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Ce sont ceux qui ont les meilleures moralités, comportements. Vous voyez? Et ici, il dit خياركم خياركم لي les nisaïm, les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec qui? Avec leur épouse. Wadih. Et regardez As-Salaf, avant de continuer dans le Jidal et les paroles de Ibn Rajab sur le Jidal, comment ils réagissaient par rapport au comportement. Ibrahim, Ibn Habib, Ibn Shahid, Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a, il a dit, avec une traduction du sens, mon père m'a dit, oh mon fils, idhhab ila al-ulama wal-fuqaha, va, rends-toi chez les savants et chez les personnes du fiqh, de la bonne compréhension al-fuqaha. Apprends d'eux, fata'allam minhum, apprends d'eux, et prends de leur comportement, wa khudh min akhlaqihim, et prends de leur comportement. Et ceci m'est préférable pour toi que tu apprennes plusieurs ahadith. Subhanallah. Et ceci m'est préférable que tu apprennes plusieurs ahadith. Mais nous disons pas, non, c'est bon, apprenez que le comportement. Non. On doit apprendre la science et on doit apprendre à se comporter bien. Mais qu'est-ce qui va t'apprendre à te comporter bien? Al-ilm. Mais avant de te pencher vraiment dans la science et dans les détails et autres, commence par des choses accessibles par tous et toutes. Comment se comporter les salafs? Comment se comporter les savants avec leurs élèves? Les élèves avec leurs professeurs. Particulièrement ça parce que toi tu veux rentrer dans la science. Et c'est pour ça, on dit toujours avant d'apprendre la science, apprends à te comporter envers la science. Et quand on dit envers la science, c'est quoi? Ça englobe envers les livres, envers le Coran, envers les professeurs de sciences, dans les assises de sciences, il a akhiré. C'est ce qu'on retrouve dans Hiliyatu Talibul Ilm, l'ornement de l'étudiant en sciences de Cheikh Bakr, rahimahullah ta'ala, et d'autres livres. Clair? Après, tu rentres dans les détails. Mais à la base, c'est des choses de base. D'accord? Tu ouvres Riyadu Salihin. Et tu regardes les comportements qu'avait le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas besoin d'une grande science pour ça. Juste savoir comment le prophète agissait avec douceur, avec compassion. Et les savants, quand tu veux te plonger vraiment dans des cours de science, d'accord, ilmi, académique et autres, et ben dans ces cas-là, penche-toi vers Kutub al-Ulama, les livres des savants, sur comment te comporter avec les savants dans les assises de science, etc., avant de rentrer. Parce que sinon, attention, comme il dit Cheikh Bakr, comme disent beaucoup de savants, et il détaille beaucoup ce sujet-là, en rappelant que Allah Jalla wa Ala va priver ici l'élève de la science de son professeur quand celui-ci ne se comporte pas comme il faut avec son professeur, parce qu'il ne mérite pas. Parce que quand on dit de respecter les gens de science, c'est pas eux en tant que personne, mais c'est par rapport à ce qu'ils transmettent et ce qu'ils portent comme information divine et prophétique. Comme il dit Ibn Taymiyyah, celui qui critique les gens de science, il a critiqué la sharia, la législation. Parce que là, il critique des gens qui portent la charia. Wadih. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ici, quelque part, tu vas brûler les étapes. Peut-être tu vas pas comprendre pourquoi tu profites pas de la science, mais parce que, voilà, tu ne sais pas c'est quoi l'adab. Et quand vous allez voir les détails, comment ils disent, les savants, comment ils décrivent, comment l'étudiant en science, il doit se tenir dans une assise. Hadith wa la haraj. Ala kulli hal. Ici, on revient sur ces paroles-là. Des salaf et des tabi'in, tabi'in la akhiri. Makhlad ibn Hussein a dit à Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, nous sommes plus en besoin de comportement que de hadith. Nous sommes plus en besoin de comportement que de hadith. Ibn Wahb, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, a dit, nous avons plus appris de l'imam Malik dans son comportement que dans sa science. Nous avons plus appris de l'imam Malik dans son comportement que dans sa science. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et ça, ce texte, il est dans Siyar, A'lam al-Nubala. Et ça, c'est impératif à avoir dans la bibliothèque de l'étudiant en sciences. Siyar, A'lam al-Nubala. D'accord? Et ça retrace tous les récits, de salaf, de personnes de sciences, de savants, ila akhiri. D'accord? Il vaut pas 10 euros, hein. Il vaut très cher. Enfin, il vaut très cher, ça dépend quel prix on est prêt à mettre pour la science. D'accord? Mais lakin, c'est pas 50 euros ou 100 euros. Lakin, ala kulli hal, c'est des choses impératives à avoir, celui qui veut se pencher sur la vie des salaf ila akhiri. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, disait, yabna akhi, l'imam Malik, yabna akhi, ta'allam al-adab, qabla an tata'allam al-ilm. Oh, fils de mon frère, apprends la politesse avant d'apprendre la science. Ouais, l'importance de la politesse. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si t'as pas le comportement, tu vas dégoûter les gens. Clair? Et si toi, quelqu'un dit, mais moi, j'avais une penchée dans la science, tu lui dis, écoute, t'as pas appris à savoir te comporter comme il se doit dans les assises de science et envers ceux qui te transmettent la science, reste à ta place. Tu vas perdre ton temps. Et peut-être même, ici, tu vas t'égarer. Peut-être même, ici, tu vas t'égarer. Parce que tu vas rentrer dans des questions, tu vas rentrer dans le jidel, tu vas rentrer il akhiri avec celui qui te transmet la science, et peut-être tu vas pas comprendre pourquoi il va être dur pour toi, et après peut-être tu vas quitter ses assises, et après peut-être tu vas t'égarer. Pourquoi? T'as pas commencé parce qu'il fallait commencer. Tu sais pas c'est quoi adab ou talib ou l'ilm, les comportements, le comportement de l'étudiant en science. Et c'est sur quoi il va parler le cheikh demain aussi, inshallah ta'ala, dans son intervention, et que j'ai dit, et je lui ai demandé de parler rapidement, inshallah ta'ala. Wadih? Donc ça c'est des choses importantes. C'est pour ça que l'étudiant en science, ahibbati fillah, il doit apprendre le comportement et insister sur les règles de respect avant de s'asseoir pour apprendre la science et avant de transmettre cette science-là. Wadih. Et c'est pour ça les savants, comme je vous avais donné un exemple de l'imam al-Shanqiti, rahimahullah, rahmatan wasi'a, ce grand savant qui étudiait, qui transmettait la science à Médine, et qui quand un jour, ici, il a fait une exhortation, il a prolongé l'exhortation, et ça c'est Cheikh Chabli qui l'avait rapporté, le Cheikh qui va intervenir demain, inshallah ta'ala, donc il l'avait rapporté dans un de ses charites. Ici il avait dit quand il était intervenu, et il avait parlé longtemps de shahadat az-zur, donc le faux témoignage, il a akhiré, il avait détaillé, et quand il a terminé, il y a une personne qui est partie le voir. Et il a dit, « Ouais, Cheikh, moi, je suis parmi les élèves qui te suivent, etc., etc. Et j'ai étudié là-bas et j'ai appris al-shahada, donc mon diplôme dans telle université, ta-ta-ti-ta-ta-ta, pour dire, voilà, je suis proche de toi, je t'aime, etc. » Ici, par respect, parce que les gens de science, ici, les élèves, ils s'accrochent toujours à eux et ils les aiment et ils veulent avoir une proximité avec eux, bien qu'ils n'ont pas le temps de donner du temps à tous les élèves. Donc il essaie de... Et ensuite, il lui dit, « Ah, Cheikh, jusqu'au, le Cheikh Chabli, hafidhahullah ta'ala, il décrit, jusqu'au, il passe à Bab Salam, il sort, il lui dit, Cheikh, par contre, il lui pose une question sur Shahadat az-Zur. Ouais, par contre, là, sur Shahadat az-Zur, c'est quoi exactement, là? Il a regardé, il a dit. Il a dit, répète, t'as eu, c'est quoi tu m'as dit, t'as eu ton Shahada, ton diplôme. Donc tu l'as eu, Shahada, on dit un témoignage, ton diplôme. Donc tu l'as eu où? Il dit, ouais, je l'ai eu là, un truc et tout. Il a dit, c'est ça, Shahadat az-Zur. Il dit, c'est ça le faux témoignage. Vous avez pas compris? Ça veut dire quoi? Vous avez pas compris? Hein? Il mérite pas. C'est comme si c'est un faux témoignage ce qu'ils t'ont fait. Il dit, c'est quoi? Toi, tu me dis, ouais, il a dit, tu veux que c'est quoi le faux témoignage? Juste pour l'éduquer. C'est pas pour lui faire mal gratuitement. Pour l'éduquer. Il dit, tu veux savoir c'est quoi le faux témoignage? Eh ben, le témoignage du shahada à un diplôme, le témoignage qu'ils t'ont donné comme quoi t'as atteint ce niveau, c'est ça un faux témoignage. C'est-à-dire que tu ne mérites pas. C'est ça le faux témoignage. Pourquoi? Comment ça? Moi, ça fait des heures, je parle de shahadat az-zur, et moi, tu viens et tu me dis c'est quoi shahadat az-zur maintenant, ou tu me poses des questions sur ce que j'ai détaillé. Pour montrer, c'est un mauvais comportement. T'es adab ya Abdallah. Éduque-toi. Donc, est-ce qu'on va dire il a un mauvais comportement, le shirk? Non, c'est par éducation. Et parce que là, il y a un manque de comportement. Et il y a des gens, même quand ils appellent l'ulama, ils ont un manque de comportement. Et ils vont parler comme si c'était son pote. C'est son sahab. Ou alors quand le shir, il va dire, écoute, j'ai pas le temps, il va être un peu truc. Il va dire, ouais, moi, je, subhanallah, le shir, comment il me parle? Yahi, il a 1 milliard de problèmes. Il a 1 milliard de responsabilités. Il a 1 milliard de questions. Il a 1 milliard de soucis. Il a, je sais pas combien de cours. Il a, je sais, pendant que toi tu dors et tu rigoles et tu t'occupes simplement, de faire les courses pour chez toi ou des petits problèmes familiaux. Lui, il a 1 milliard de problèmes sur son dos. Et toi, tu dis, pourquoi? Mais si toi, t'aurais eu le tiers du tiers du tiers, peut-être t'aurais plus jamais souri à personne. Peut-être jamais, je sais même pas si t'aurais gardé le moral. Et lui, il garde le moral, tu le vois, il sourit, etc. Alors que tu sais pas, derrière lui, peut-être les problèmes qu'il a, Allah musta'an, le tiers, tu serais évanoui, tu serais une crêpe, tu tiendrais même plus sur tes jambes. Et wallahi, on parle par expérience, on est simplement des tout petits, sans fausse modestie, des tout petits, très petits prédicateurs. Et ici, wallahi, plus quand tu essaies de transmettre la religion et tu avances dans la prédication, et wallahi, plus tu vois les épreuves, tu dis Allah al-Musta'an comment ils font l'ulama. Wallahi, tu dis Allah al-Musta'an comment ils font l'ulama. Parce que ça, c'est tariq de qui? C'est le chemin de qui, ça? Tariq al-anbiya, wal-mursalin, wal-rusul, wa-ahlul khayr, wal-salaf, wal-sahaba. C'est le chemin des gens bien, des gens pieux, des prophètes, des envoyés, des compagnons, des... C'est le meilleur des chemins, des chemins. C'est la voie de da'wa. Et plus, ici, ta foi l'augmente, et plus tu te rapproches de l'haq, et plus tu seras éprouvé. Wasbir, c'est un ordre. Wa ma sabruka illa billah wa lillahi alhamd. Allah, il t'ordonne de patienter. Tu dois obligatoirement. Alhamdulillah. Qu'Allah, il a dit, et ça nous rassure. Wa ma sabruka illa billah. Parce que wallahi wa rabbi al-ka'ba wa ta'Allah, on serait tous perdus. Allah, il a dit, mais tu ne pourras patienter que par qui? Par la cause de qui? Par l'aide de qui? Par le soutien de qui? Par qui? Par Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui va t'aider à patienter. Mais si c'était pas Allah qui t'aidait à patienter, on serait tous perdus. Combien d'épreuves on a eues et combien de choses on se dit, si ça, ça m'arrive, jamais je tiendrai. Mais quand ça t'arrive, Allah il te permet de te tenir. Quand on te dit, c'est qui la personne que tu aimes le plus? Ton père, ta mère. On dit, et elle est présente, tu l'aimes, tu la vois. Et on dit, imagine demain elle va mourir. Et pourtant tu sais. Tu dis, j'ose même pas imaginer quel va être mon état. Pourtant, quand ton père va mourir, quand ta mère va mourir, quand cette personne va mourir, un jour, deux jours, trois jours, hada min rahmatillahi azza wa jal, au fur et à mesure, tu vas, entre guillemets, l'avaler facilement, et ça va passer facilement, et tu vas patienter, tu vas l'accepter. Hada min rahma, hada ya'ni min rahmatillahi azza wa jal, c'est une miséricorde de la part d'Allah, et c'est là où tu vois le soutien d'Allah. Et plus tu fais des efforts à patienter, plus Allah azza wa jal, il t'aide à patienter, et il te fait patienter, et sache que, Allah a dit, inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Donc quand tu patientes, tu fais un effort, Allah il sera avec toi, il t'abandonnera pas. Donc il faut prendre en considération ça, que ça c'est un chemin très dur et qu'il faut beaucoup de patience et que al-ulama, ils ont emprunté ce chemin-là et ici ceux qui transmettent cette religion, ils ont emprunté ce chemin-là, il y a beaucoup d'épreuves, donc faut pas voir le mal partout. D'accord? Mais mets-toi un tout petit peu à leur place. Pas à leur place, t'arriveras pas. Un tout petit peu. Parce que tu peux pas vraiment te mettre à la place d'une personne, mais essaie de te mettre un peu à leur place. Et te dire qu'il y a des millions de choses qui sont dans leur tête et de poids et de soucis, etc. Et là, tu vas voir que, tu vas dire, bikul l'ihtiram, ici, yani, je m'excuse et la prochaine fois, je lui parlerai bikul l'ihtiram avec le plus grand des respects, avec adab, et je patienterai, etc. Il a akhiri. Parce que tu sais, ici, qu'est-ce qu'il vaut et quelle charge il supporte. Wadih. Et ici, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, après qu'il explique ici les différents types de sciences, al-ilm al-nafi' wa ghayr al-nafi', la science bénéfique et la science qui n'est pas bénéfique, ici, il dit, et moi dans le livre que j'ai, moi chez moi c'est la page 77, ça dépend des éditions. Donc, mais ceux qui ont, si vous tombez dans la même page, c'est page 77, de toute façon c'est facile à trouver. Hein. Ici c'est quand il parle dans le chapitre de l'Jidal. Donc ici, il dit dans la page 77, et je vous cite certains points qu'il a cités, et le chapitre il est « Al-Jidal wal-Khisam fil-Masail ». Donc ici il parle de l'Jidal, de la controverse, de la polémique et des disputes, ici dans des questions, dans des choses, dans des sujets. وَمِمَّا أَنْكَرَهُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ il dit, رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى parmi les choses que مِمَّا أَنْكَرَهُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ parmi les choses qu'ont rejeté, d'accord, qu'ont détesté ici les savants, les imams, les pieux prédécesseurs parmi les imams, الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا. Et il dit, et parmi ceux qu'a contesté ici les imams des salafs, c'est la controverse, la polémique, le fait de se disputer al-khisam, al-mira, le fait de se disputer au sujet du halal et du haram. Au sujet du halal et du haram. Donc ici on a dit, regardez la mise en garde claire contre le fait de se disputer beaucoup sur ou au nom de la religion. Donc là ça nous apprend à, bah comment on doit réagir. Il y a une différence entre argumenter, donner des preuves et rentrer dans la polémique. Et wallahi, là j'en joins ma propre personne. Et ça m'éduque ma propre personne. Et il dit, ici, rahimahullah ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَرِيقَ أَئِمَّةَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا أَحْدَثَ ذَلِكَ مَنْ ici, il dit, cela, avec une traduction approximative, n'était pas la manière ou le chemin des grands imams. أَئِمَّةَ الْإِسْلَامِ et ici, mais ceci fut inventé. أَحْدَثَ fut innové, inventé, ici, après eux. Ajib. Donc, il dit, ça, c'était pas du tout, ici, le chemin des grands imams de l'islam. Donc, c'est-à-dire de quoi? De polémiquer dans le halal et le haram. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, billahi alaykoum, combien de polémiques il y a? pour halal, non haram. Et de la polémique, et de la polémique, et de la polémique, et on ne fait plus. La nufarriq bayna al-jidal, d'accord ? Wa al-niqash al-ilmi bi-adab wa ihtiram wa al-rifq wa al-lin kama yanbaghi. On ne fait plus la différence entre le jidal, la polémique, et ici, parler, avoir une conversation scientifique, ou alors argumenter ou donner des preuves. Non, on mélange tout. Clair ? Et plus loin, il dit, ووارد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدال. Et ça, ce texte-là, il est cité par Ibn Battah رحمه الله تعالى aussi dans الشرح والإبانة الصغرى. وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل. Regardez les paroles en or. وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل. Et il dit, وأغلق عنه باب الجدال وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدال أو باب الجدل. Ici, regardez ce qu'il dit. Et les salafs ont blâmé cela. C'est-à-dire al-jidal, la polémique, la controverse. Oui, mais non, mais halal, mais haram. C'est-à-dire, avec qui? On va le voir. Et il dit, les salafs ont blâmé cela. Et il a été rapporté dans le hadith marfou, hadith dont le isnad se finit au prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, dans Sunan. Et vérifié, comme on le verra ici, inshallah, dans le sharh de al-ibanatus sughra. Il n'est point de gens qui sombrent dans l'égarement après la droiture, sans qu'il leur eût été donné la polémique, puis il récita le verset coranique qu'on va citer. Regardez, subhanallah. Il dit, il n'est point de gens qui sombrent dans l'égarement après la droiture sans qu'il leur eût été donné la polémique. C'est-à-dire, sans avant cela être tombé dans la polémique. Donc le fait de tomber dans la polémique, ça te fait tomber dans quoi? Dans l'égarement. Et celui qui polémique beaucoup, sache que c'est un égaré. Celui qui polémique, il aime bien beaucoup le jidal. D'accord? Ici, sache que c'est un égaré. Al-Khusumat, les disputes, il a akhiri, il aime ça. Al-Mira, c'est-à-dire aussi ça rejoint al-Jidal, la controverse, la polémique, etc. Sache que c'est un égaré, wal-iyadu billah. Et il cite le verset coranique où Allah Jalla wa Ala a dit, avec une traduction approximative, en disant, nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui, ce n'est que par polémique qu'il te cite comme exemple, ce sont plutôt des gens chicaniers. Clair? Ce sont plutôt des gens chicaniers. Et ici, il a cité ce verset. Et il a dit, وَقَالَ بَعْدَ السَّلَفِ وَقَالَ بَعْدَ السَّلَفِ. Et certains salafs ont dit, lorsqu'Allah Jalla wa Ala veut du bien à un de ses serviteurs, lorsqu'Allah Jalla wa Ala veut du bien à l'un de ses serviteurs. Et ça, c'est tous les propos, vous les trouvez dans le livre de Ibn Rajab, hein? فَضْلُ عِلْمِ السَّلَفِ عَلَى عِلْمِ الْخَلَفِ. Et ici, il dit, lorsqu'Allah veut du bien à un de ses serviteurs, il lui ouvre la porte de la pratique. بَابُ العمل واضح. Et lui ferme la porte de l'jidal. Et lorsqu'Allah veut du mal à un de ses serviteurs, il lui ferme la porte de la pratique et lui ouvre la porte de quoi? Al-jidal, la polémique. Et les gens maintenant, ils mélangent tout. Il y a un frère qui va voir un munkar, mais regardez, c'est pour ça que ce séminaire est extrêmement important, il faut le prendre du début à la fin. Ça, ce séminaire, si tu l'as pas pris du début à la fin, tu vas t'égarer, ça ne sert à rien. D'accord? C'est pour ça le but de ce séminaire. C'est-à-dire, tu sais comment se comporter avec Ahlul Bida'. Qui est Ahlul Bida'? Est-ce que tu as droit de côtoyer une personne qui fait des choses mauvaises? Quand tu dois pas le côtoyer? Ça veut dire quoi? Ici, le fait de montrer Al-Haq. Quand il n'y a pas d'intérêt de montrer Al-Haq? Quand c'est du Jidal? Quand c'est pas du Jidal, mais tu dois montrer Al-Haq. Il est akhiri. Donc, il faut tout prendre depuis le début. On n'est pas en train... Si j'aurais traité que ce sujet-là, par exemple, pour vous donner un exemple, quelqu'un va lire que le livre sur Al-Jidal, Al-Khusumat, il est akhiri. Donc il va dire, je parle plus sur la religion. Chacun sa vie encore. Vous l'avez vu? Il va dire, hop, hop, hop. Mon frère, ça c'est... Ouais, mais quoi? T'as dit quoi? Ah non, non, c'est bon, c'est le jidal. Vous avez vu? Mais est-ce que toi, il t'est obligatoire de montrer le haq? Il t'est obligatoire de montrer le haq. Mais quand tu dois t'arrêter, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc il faut prendre du début à la fin. Quand tu ouvres une porte, il faut savoir la refermer, sinon on n'ouvre pas la porte, Abdallah. Clair? On continue, inshallah ta'ala. Ici, les ulama, ils ont dit, cela ne veut pas dire qu'on ne défend pas le haq, car les textes sont nombreux sur le fait de défendre le haq et on les a cités. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbi fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman. Et comment on doit se comporter? Et ici avec la personne qui a des maladies, et montrer le haq, etc. Et là, akhiri. Ça, on a tout expliqué cela. Clair? Mais quand on ne t'écoute pas et quand ça ne sert à rien, c'est-à-dire, toi, quelqu'un va faire une chose, c'est un munkar. Tu es sûr de toi que c'est une erreur. Ou c'est une chose claire. Par exemple, quelqu'un va fumer la cigarette, quelqu'un va boire de l'alcool. On va donner un exemple clair. D'accord? Sans rentrer dans des sujets où les gens, comme on avait dit, ils viennent et ils affirment, tu t'es trompé. Alors qu'il sait pas que c'est lui qui s'est trompé. Je vous donne l'exemple du hadith avec Sheikh Al-Albani et la Akhir. Donc ici, je parle des choses claires pour donner un exemple concret. Quelqu'un, il va voir un munkar. Tu vas arriver, il fume la cigarette. Ya akhi. Ah, comment? On a dit, ah, tu dois l'arrêter. C'est obligatoire. Ad-da'wa, les demandes à qui? À tout le monde. Selon ses capacités. Selon ses capacités. Donc, si toi, tu as les capacités de comprendre pourquoi la cigarette est haram, c'est quoi les versets, c'est quoi les hadiths, et tu vois quelqu'un fumer, et tu sais que ça va pas provoquer un plus grand mal, est-ce qu'il est obligatoire pour toi de lui parler, de l'exhorter? Comment? Bil hikmati wal maw'idati al hasana? Oui ou non? Oui, on est d'accord. Wadih? Si maintenant toi tu as compris un sujet plus complexe, mais que les gens ont besoin, par exemple l'aqida, un sujet de aqida. Donc ça c'est ce qui est interdit, tu vas traiter ce qui est interdit, ce qui est obligatoire dans l'aqida. On est d'accord. Et si tu l'as compris, selon le Coran et la Sunna bi famille salafil, au moins tu devrais faire aux gens de science. Est-ce qu'il t'est obligatoire de le transmettre si tu as une tribune pour le transmettre? Oui ou non? Oui. Taban wa balliru anni walau aya. D'accord? Ça c'est la bonne compréhension. Parce qu'il y a des gens qui disent non, faire da'wa à ta femme, à tes enfants, aux proches, c'est pas pareil que si tu faisais des cours. Mais quand tu fais des cours, tu dis quoi? Hada halal wa hada haram. D'accord? Fondé sur le Coran wa Sunna bi famille salafil umma. Wadih. Sauf simplement tu as un niveau plus élevé pour pouvoir expliquer des choses plus complexes, mais que les gens ont obligatoirement besoin. L'aqida, les gens, ils n'ont pas obligatoirement besoin. C'est le plus important. Donc les gens vont dire, oui, mais non, mais ça, ils ont obligatoirement besoin. Donc ça aussi, ça rentre dans l'obligatoire. C'est pour ça que Cheikh Abdallah Al-Mutlaqir, quand je lui ai posé la question, celui qui prend le Coran, ou Sunna bi famille salaf al-Umma, est-ce qu'il peut transmettre, c'est un prédicateur, c'est pas un savant, il a akhiri, il a dit, je lui ai dit, hal hada matloub, il a dit, bel huwa wajib. Il a dit, plus que cela, ça c'est obligatoire. C'est pareil. Donc faut arrêter avec, oui mais par contre si tu as, tu donnes des cours aux gens, c'est pas pareil. À partir du moment où ce que tu donnes comme des cours, les cours aux gens, c'est obligatoire pour eux de l'apprendre, comme l'aqida il a akhiri, et tu as le niveau, et tu te réfères au Coran et à la Sunna bi famille salaf al-Umma, et tu reviens au savant, eh ben c'est la même chose, c'est obligatoire, ya Abdallah. Surtout si tu as cette tribune, parce qu'il y a d'autres qui peuvent pas l'avoir. Donc khalas, ils font selon leur capacité avec les gens, avec les frères, avec les sœurs et la akhiri. Wadih. Donc ici, on dit, cela ne va pas dire qu'on ne défend pas la vérité. On doit défendre la vérité. Clair? Mais quand on t'écoute pas, toi tu vas arriver avec la personne et akhi, la cigarette, barakallahu fik, mais avec ça, avec hikmah, et c'est un art, l'art de la da'wah, on rentre dans un autre sujet. D'accord? Mais là, on va pas s'attarder sur ça. Comment venir? Gagne son cœur d'abord. Cherche une qualité qu'il a et cite-la. Comme le prophète Al-Islam faisait avec Omar ibn al-Khattab. Ya Omar, innaka rajulun qawi. Tu es certes un homme fort. Et après, khlas, il lui a mis du miel. Et après, il lui envoie la nasiha. Pourtant, c'est Omar, tu pouvais lui envoyer, mon frère. T'inquiète pas, c'était une montagne. Rien envoie. Et même lui, quand il envoyait, il envoyait. Alors, quand il fallait être doux, il était doux. Mais avec ça, le prophète, il les éduque. Ya Omar, t'es un homme fort. Quand tu vas ici, hein, tu fais ta waf, tu te rapproches de la pierre, il lui dit quoi? T'es un homme fort, donc attention de, tu vas bousculer les gens, tu peux leur porter préjudice, il a akhiri. Donc avant de lui donner la nasiha, ici il lui met du miel, et il lui rappelle une qualité qu'il a, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, et c'est comme ça que tu dois réagir. Il fume la cigarette, cherche un akhir, chez les gens il y a toujours un bien. Chez les croyants, les musulmans, il y aura toujours un bien, il y aura toujours du bien, alhamdulillah. Le bien il est chez chaque musulman et musulmane, à différents degrés. Mais chaque musulman ne dit même pas, une personne qui n'est pas d'accord avec toi sur 100 000 choses, ou là, wallah qu'il y aura un bien avec, dans lui. Ça c'est obligatoire. On fait partie de la meilleure des communautés, la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Il a beau avoir des divergences, il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ça suffit pour dire qu'il y a un bien en lui. Maintenant cherche le bien, cite sa qualité, gagne son cœur, ouvre la porte par la permission d'Allah, et ensuite à ce moment-là exhorte-le avec douceur et sagesse sur la cigarette. Quand tu vois que lui, alors que tu as utilisé tous les moyens pour gagner son cœur et l'exhorter comme il se doit. Parce qu'il y a des gens, ils disent, oh bah, l'arabe, bah, c'est le jidal avec cela, ils veulent pas accepter le haq. Viens, ta'ala, et je l'ai siakhi. Comment tu lui as dit d'arrêter? Ah, ouais, oh, je lui dis, mon frère, taqillah. Hein, mon frère, tu vas, oh, cigarette, toi, comme ça, devant les gens. Hein, mon frère, tu crains pas Allah? Mon frère, si tu m'aurais dit qu'il t'a mis une droite, j'aurais compris. Toi, tu me dis, oui, j'ai eu, il veut pas accepter, mais c'est normal. Lui, il est au niveau. Dis-moi quelqu'un qui a 8 ans de religion, 10 ans de religion, il fait une erreur grave. Là, envoie la sauce. entre guillemets, une métaphore. C'est-à-dire, tu peux venir et avoir ton comportement un peu plus dur et il a akhiré. Lui, il est, entre guillemets, comme on dit, à l'ouest. Il est loin. Peut-être il fait même pas la prière. Il fume la cigarette. Il est, etc., etc. Ça reste un musulman. Ça reste quoi? Il a quoi? Il a pas de bien? Il est voué en enfer parce qu'il a, toi, t'arrives comme ça, tu le scandalises, même un pieu, il n'accepterait pas que tu le scandalises. Ça lui ferait un peu mal quelque part sûrement, en général. Donc on dit lui, donc ici adapte-toi à lui, nous nazzilou nas comme a قالت Aïcha fi Sahih Muslim, dans le muqaddima du Sahih Muslim, nazzilou nas. Aïcha l'a dit, radiyallahu anhu wa arda, nazzilou nas ash manazilahum. Et c'est une règle en islam, nous nazzilou nas manazilahum. Aïcha radiyallahu anhu, une femme, elle nous a éduqué comme ça. Adapte-toi aux gens, ya Abdallah, mets-toi à son niveau. Je t'ai pas dit, mets une cigarette dans ta bouche et parle avec une cigarette. Mais mets-toi à sa place. Dis-toi, voilà, il est loin et que toi aussi, peut-être, t'étais plus loin que lui. Et peut-être demain, il sera plus loin que toi, c'est-à-dire pas dans le mal, mais dans le bien. Et t'auras devancé. Ou peut-être, il va faire une action. Et toi, tu vas pas voir le reste, tu vas pas te rendre compte, mais il a fait une action, khlas, cette action, par cette cause, Allah, il l'a mis au paradis. Et toi, tu sais pas, peut-être, t'es en enfer pendant une période après au paradis. Allahu a'lam. Donc ici, reste à ta place au modeste et attention. Fais de da'wah, mais c'est un acte. Si tu sais pas, tais-toi. Sinon, tu vas faire des dégâts. Claire? Donc ici, toi tu viens et tu l'exhortes bien comme il se doit. J'ai pas dit comme la personne qui vient et qui le bombarde comme ça, sans sagesse, sans rien. Et ici, après, il te dit, tu lui as donné toutes les preuves. Dire non, ouais, mais non, vous exagérez avec cette religion. Regarde, etc., etc. Et toi, tu lui donnes les preuves et tu dis non, écoute, tu le convaincs. Et il continue. Mais non, quand il continue, khlas. Arrête, là tu vas rentrer dans quoi? Tu vas rentrer dans le djidel. Quelqu'un même qui a un niveau de science, et tu vois qu'il y a un égarement, et tu vas lui apporter les preuves, d'accord, tu vois un munkar clair, c'est-à-dire tu n'affirmes pas, tu es sûr qu'il s'est trompé, et tu viens parler avec douceur. Et comme on a dit, Ibn Taymiyyah, il a dit quand celui qui rentre dans la porte, il est interdit à toute personne qui ouvre la porte de quoi? De? Non. Toute personne qui ouvre la porte de quoi? Al-Hajr. Le fait d'exiler son frère, de se désavouer de son frère, il lui est interdit d'ouvrir cette porte, sauf, barakallahu fik. Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, je vous ai donné la réponse. Il dit, sauf pour celui qui ne cherche par cela que la face wajh Allah. Donc, sois sincère. Tu arrives avec sincérité. Donc, si tu veux savoir si la personne est sincère, tu vas voir. Si tu nassah, quelqu'un qui est sincère, il va te nassah avec douceur, il veut ton bien. Mais si tu nassah avec dureté, c'est qu'il veut ton mal. Clair? Donc, en général, la règle générale, c'est, ici, il va te nassah avec douceur, il affirme pas, il vient, il te corrige. Et il te donne tous les arguments. Et ici, où toi, tu lui donnes tous les arguments. Et lui, il persiste. Il dit, non, moi, je suis pas convaincu parce que voilà, moi, j'ai mes textes. Stop. Toi, t'as donné des textes. Lui, il te répond avec des textes. Jusque là, tout va bien. D'accord? Mais c'est quand qu'il y a un problème? C'est quand toi, après, tu veux continuer. D'accord? Ne continue pas. Toi, tu lui as apporté ce que tu avais. Lui, il te dit, non, c'est ça. Intahal kalam. Arrête-toi. S'il écoute, khalas. S'il n'écoute pas, on n'est même pas dans qui a raison. Tu vas rentrer dans le djidel. Vous suivez bien? Sinon, tu vas rentrer dans le djidel. Et ça, c'est pour toute chose. Quand tu essaies de convaincre une personne, quand tu apportes des arguments, il faut jamais prolonger les conversations jusqu'à tomber dans le djidel. Tu veux faire une nasiha à quelqu'un, tu lui fais une nasiha. Tu lui as fait la nasiha, la personne a accepté ou la personne n'accepte pas, arrête-toi. Parce que celui qui continue, qu'est-ce qu'a dit le prophète Al-Islam? Il n'y a pas une personne, et certains salafs disaient, il n'y a pas une personne qui est rentrée par quoi? Hein? Qui est tombée dans l'égarement sans rentrer par la porte de l'djidel. Et les gens qui rentrent beaucoup dans l'djidel, oui mais, et ben ton oui mais, tu vas voir où il va te mettre. Qui t'a dit oui mais? Et ça on revient, et pourquoi? Le shir, il en parle aussi ici, vous allez voir les textes. Parce que c'est ceux-là, ahlul bid'ah. Ils sont rentrés trop dans l'exact. Non, mais on veut savoir. Non, mais pourquoi? Non, mais, et tu vois, des gens dans les gens de la vie d'Islam, ils sont toujours comme ça aussi. Oui, mais pourquoi tu te casses la tête et tu nous casses la tête? T'as donné tes arguments. Khlas, la personne a accepté. Alhamdulillah. Wa inna faskut. Tais-toi. Qui l'a dit? C'est pas moi, c'est les salafs. Je vais vous citer leurs paroles. Wadih? Jusqu'ici, tout est clair? On continue, inshallah ta'ala. Ici, l'ulama, il rappelle que quand tu l'as exhorté, et là, on va citer les textes qui rapportent ça, hein, je ne sors pas des paroles de moi, hein, vous allez voir les textes qui confirment ça. Quand tu l'as exhorté et que la personne ne t'a pas écouté, tu dois te séparer d'elle avec respect. C'est-à-dire, ne réponds pas au mal par le mal. Tu l'as exhorté, ici, khlas. Il veut pas t'écouter, parle avec respect. Ne tombe pas dans le panneau de... Et si tu vois qu'il veut continuer à te tenir, non, mais il revient et tout... Là rentre le verset coranique, quoi. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا Salam, salam. Ismun min asma'illahi azza wa jal. La paix. C'est comme, il dit Cheikh Al-Uthaymin, tu implores Allah azza wa jal de te préserver du mal de cette personne parce que tu veux la paix. Wadih, salam. Ba'd aliya ya akhi. Laisse-moi tranquille. Khalas. Et ceux qui te cherchent, qui cherchent, tu verras qu'ils vont tomber dans un égarement. Wal'iyadu billah, peut-être ils arriveront plus jamais à en sortir. Ahlul jidal. Ahlul khusumat. Ahlul ahwa. Ahlul ara. Et là, on commence à voir et sentir la science des salafs qui est, elle est comment? Elle est limpide, elle est claire, elle est simple. Vous voyez, elle est salaf, elle est simple. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, toujours dans le livre, il dit, écoutez bien, il dit, qala l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qila l'imam Malik, il a été dit à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qila lahu, ay, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, الرجل يكون عالما بالسنن إسي مجادلا عنها قال لا ولكن بخير بالسنة نعم لكن عفوا يخبر بالسنة فإن قبل منه يعني c'est un bien je vous expliquer le sens فإن قبل منه وإلا سكت il dit ici ابن رجب il a été dit وقيل له للإمام مالك il a été dit à l'imam Malik الرجل يكون عالما بالسنن ici vois-tu si un homme est savant d'accord dans les sunan dans la sunna polémique-t-il quelqu'un qui est savant dans la sunna il a de la science dans la sunna polémique-t-il et il dit l'imam Malik قال لا ولكن يخبر بالسنة non regardez et là clair Malik en quelques mots العلماء Et là, il indique le farq bayn al-jidal, il montre la différence entre le jidal, la polémique, et le fait de quoi? De montrer la vérité. Et il dit quoi, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala? La, walakin yukhbiru bis sunnah. C'est-à-dire, il informe les gens sur la sunnah. Tu dois le faire. Tu montres la sunnah. Tu clarifies les choses. Clair? Et il dit, fa in qubila min, c'est-à-dire, si on accepte de lui, donc c'est un bien. Khalas, il montre la sunnah, si on accepte de lui. Wa illa, sinon, qu'est-ce qu'il fait? Sakat. Il se tait. Rahimahullah wa rahmatan wasi'a. L'imam Malik. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de paroles de savants, de Shafi'i, de Malik qui parlent sur les gens qui les critiquent et qui ont des arguments et qui disent ce n'est pas les arguments qui nous manquent. Walakin, walakin, walakin. Et ils donnent de belles paroles et des paroles qui sont des références pour dire ça sert à rien de polémiquer avec des gens. Walakin ici, est-ce qu'on doit montrer la sunna? On doit montrer la sunna. Mais persister avec des gens qui sont têtus, et qui ne sont pas satisfaits, ici ça ne sert à rien. Et il dit, s'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, eh ben ici il faut se taire. Ils n'acceptent pas. Khlas, innaka la tahdi man ahbab. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Personne portera le fardeau d'autrui. Toi ce qui t'incombe c'est de quoi? Wa ma alayka illa. Ah, il t'est demandé au prophète alayhi salatu wassalam, que de quoi? Que de transmettre. Est-ce qu'il t'est demandé toi hidayatut tawfiq? Non. Ici toi ça, tu transmets, tu montes la voie de la guider. Hidayatul dilala. Ah, maintenant, si Allah veut guider une personne, le guide, s'il veut pas, il veut pas. Toi, tu vas pas rendre des comptes parce qu'il a fait une bid'a ou il a pas fait une bid'a ou il a, mais tu vas rendre des comptes, est-ce que t'as transmis cette religion? Telle est la différence. Toi, Allah, il va pas dire pourquoi Foulan, il a fait une bid'a. Pourquoi Foulan, il a bu de l'alcool. Pourquoi Foulan, il a fait ça. Donc, mêle-toi de tes affaires. La tashtaghil bi'uyoubi l'akharin. Ishtaghil bi'uyoubika, ya Abdallah. Occupe-toi de tes défauts à toi. Lakin, tu vas être interrogé. Est-ce que hal ballaght? Est-ce que j'ai transmis? Est-ce que tu as transmis hada din? Kama yanbaghi, comme il se doit, avec science, ala basira, bil hikma, avec fahm sahih, avec une bonne compréhension, ila akhiri. Ça oui. Mais amma, fulan, il a fait ou il a pas fait? Non. On est tous d'accord sur ça. Donc, à ce moment-là, ne te casse pas la tête. Et ils étaient simples, al-ulama. Ils transmettent. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, salam alaikum. Est-ce que ça veut dire que on ne doit pas clarifier les choses quand il faut les clarifier? Si, mais continuer à répondre à tout le monde, non. Claire? À titre d'exemple. À titre d'exemple, là, je parlais sur moi parce que voilà. Simplement pour éclaircir les choses. Certaines personnes, et jazahumullahu khaira, et je sais que c'était fondé, et c'est fondé, la preuve, elle en est là. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu réponds à des trucs, à des gens qui font des mises en garde, et là, akhiré, etc. Moi, j'ai rappelé à ces frères-là, que ici, ce n'était pas dans le but de rentrer dans le jidel, dans la polémique. Le faire tout le temps répondre, répondre et il n'y a plus d'intérêt, c'est Al-Jidel, c'est la polémique, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, clair? Mais le fait de clarifier les choses, quand les gens sont perdus, ils ont besoin que tu leur clarifies, ils sont tombés dans les choubouhats, parce qu'ils n'entendent que, là il faut que tu clarifies. Parce que sinon, personne ne va le faire. Si tu sais que personne ne va le faire, fais-le une fois. D'accord? Ou deux fois ou trois fois. Est-ce qu'on l'a fait 50 fois? Est-ce que moi j'ai fait 50 rodouds ou mises en réponse? Et Allah m'en est témoin, je n'ai même pas voulu faire des réponses, vraiment des réponses ilmites, fondées sur, avec des preuves, comme là on est en train de faire des preuves de salat. Parce que ça vaut pas le coup! Et parce que c'est trop leur donner le qima et parce que leur attaque c'est pas des attaques fondées, avec science. Donc ici nous nazilou nasma nazilahum. Et si vous analysez, là nous zaki Allah, les réponses en général qu'on a données. Wallah, et que j'ai donné en général c'était de l'improvisation, c'était des combien de temps? Billahi alaykoum, combien de temps? 15 minutes, 10 minutes. Et quand vous allez voir des réponses ou des attaques que certains avaient fait, et Allah m'en est témoin, et je sais même plus dans mon objectif, et loin de là de refaire des réponses, même si on me dit je sais pas quoi, parce que la chose a été clarifiée. Et je sais, Allah m'en est témoin, qu'il y a des centaines d'espèces, mais mots là, ou belir fi kalami, qui par la permission d'Allah Azza wa Jal et par la cause ensuite de ces interventions que j'ai fait, bref, sans preuve scientifique lourde, qui sont revenus, qui ont dit Alhamdulillah qu'on t'a entendu parce que nous on n'entendait que, on était perturbés. Là il y a un intérêt, mais de continuer encore, parce que si je vous regarde la proportionnalité, combien de mises en garde que j'ai sur moi, je dois avoir je sais pas, Allah al-Musta'an, je crois que je dois être au top premier dans les top de dua ici des prédicateurs en France, bien que il y a des 1 milliard fois meilleurs prédicateurs que moi en France et qui sont pas connus et qui sont meilleurs et qui sont plus lourds en science. Et ici il y en a plein, des centaines. Combien on a fait? 3-4 Deux, trois. C'était des choses, voilà, vraiment, vite fait 15 minutes. Mais eux, ils vont dire, et tu les vois. Ça maintenant, pour que les choses soient claires. Et c'est pas dans mon habitude, je veux même pas continuer à faire des rodos, ça m'intéresse pas. Je préfère faire un petit séminaire comme ça, adapté à tous les niveaux. D'accord? Pas trop complexe, pas truc, pour que les gens comprennent, partent avec un bon bagage et ils comprennent. Mais des petits rodos comme ça, c'était juste parce que il en fallait et on avait pas assez. Et c'était pour clarifier, alhamdulillah. Ala kulli hal. Différence entre le jidal et montrer le haq. Mais continuer à persister quand la personne tu lui as montré, tu lui as parlé et t'as clarifié les choses et il continue, ne continue pas, ne ressort pas des textes encore pour lui renvoyer. Stop. T'as dit, il a dit, stop. Sinon tu es encadré par tous les textes. Clair? Et maintenant il y a des gens qui disent, regardez, ils disent oui mais quand même mon frère. Et là ça c'est, tu vois, c'est les gens têtus, faut pas continuer. Là d'accord, faut pas continuer avec eux parce qu'il y a des centaines encore qui disent oui mais quand même Foulaine, il a fait un rad quand même 2 heures mon frère. 2 heures. Alors que le type miskin, quand tu le vois dans le Jumu'ah, pendant une demi-heure, il est tellement pas l'habitude d'être par terre, il est dans son gros divan avec le matelas comme ça, qui bouge partout, il a mal, lui tu vas, il va écouter un dars de 2 heures déjà, un dars qui est passionnant, il arrive pas, 2 heures tu les as écoutés toi. Elle est pas mal hadi. 2 heures. 2 heures, il dit mon frère, il a fait le rondo, il a même pas écouté, juste parce que 2 heures ça lui a fait perdre. Ah, 2 heures, c'est que ça doit être du lourd. Eh ben, écoutez les savants ce qu'ils ont dit sur le temps. Et les gens des polémiques, combien de temps il reste passé? Regarde, c'est pas mes paroles. Et ça, ça va être une hujja contre eux, pas pour eux. Donc, Al-Johal, ils croient que c'est une hujja pour eux. Il y a 2 heures. Moi, si tu veux, wallah, je te fais 10 heures. Wallah, al-adim, 10 heures, et bi-idnillah, je m'arrête pas, je fais pas de pause, si tu veux. Allez, on continue. Et je reste parler, bla, bla, bla. Et si tu veux que je fasse, je dissèque leurs erreurs à certains. Et wallah, je me porte, je fais un rad ilmi. Et Allah m'en est témoin. Et j'écoute tous leurs doros, ce serait-ce que je prends plusieurs prédicateurs, j'écoute tout le monde, kullu bani adam khata. Et je prends chaque, je dissèque, je recherche les erreurs, tu vas voir. Je vais commencer avec tous leur biographie à certains. Parce que certains, ils disent, ouais, mon frère, Abtaskev, ouais, perroquet. Teskia, pas Teskia, Teskia, pas Teskia. Perroquet, pourquoi? Parce que celui qui l'écoute, il sait même pas, il a jamais eu de sa vie une Teskia. Et quand tu regardes dans sa biographie, tu lui montres, tu lui dis, tiens, chauffe, Yahri, regarde. Il a écrit quoi? Il y a 2 lignes. Imam et prédicateur dans la mosquée, un tel. Il est aveugle. Non, il a étudié, il a une Teskia. Yahri, c'est lui qui a écrit. Regarde, il n'y a rien. C'est Khawi. S'il n'y a rien, imam, prédicateur. Il n'y a pas de Teskia, il n'y a rien. Où t'as vu une Teskia? Les prédicateurs en France, en général, qui sont connus. C'est pas pour les rabaisser, je suis pas parmi eux, moi je n'ai pas de Teskia. Et ils ont sûrement plus de science que moi. Mais, vous croyez quoi, il y a qui? Je vais même pas dire des dizaines qui ont des Teskia? Mais vous avez vu des Teskia qui, c'est-à-dire un savant qui a donné son agrément et qui a dit je recommande aux gens de prendre la science de lui. En général avec de l'artifice. Ou alors il y en a certains, oui voilà, ils ont étudié 2 ans à Médine, 3 ans, 4 ans, ce qui est bien, mashallah, mais tu peux être le dernier de ta classe. Certains, mashallah, ils ont atteint le niveau, ils ont une licence. Ou d'autres ils ont un magistère, ou d'autres ils ont été plus loin, mais très rare. Là d'accord, mais c'est quoi? C'est ça, regarde, l'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'accrochent pas aux fondements, aux preuves, ils ne recherchent pas, ils cherchent la facilité. Simplement ce qui est, oh ouais, ils disent les gens, les ulam, et ils les appellent les étudiants en science. Combien de gens me savent qui nous ont dit? Oui mais mon frère, tous les savants qui t'ont envoyé des mises en garde et tu veux pas te corriger. Ils croient, c'est des savants. Ya Rab. Wallah, Ib. Si eux, déjà, qui entendaient ça, ils avaient un minimum de trucs, ils disaient, on rappelle, on n'est pas des savants. On n'est même pas des gens qui ont des tesquirs. On n'est même pas, au moins, peut-être un, deux d'entre eux. Wallah, al-Adim, Ib. Et les gens, ils jouent avec ça, et les gens, ils tombent dans le panneau. Ça, c'est grave, quand on voit ça, à un moment, il dirait, il faut faire quelque chose. Donc, il faut juste au moins deux, trois rats, même pas ilmi, mais juste pour dire, voilà, ils sont dans un monde. Et lui, deux heures, tu vois pas sa tête. Il doit avoir un milliard de feuilles devant lui. Il a fait des recherches et des recherches et des recherches. Il a disséqué. Et vous imaginez ou quoi? Juste en khotab, là, nous a qu'Allah ihada dans le site, on doit avoir combien de khotbah? Juste les khotab. Je dois avoir 180 khotbah. Juste les khotab de Jumu'ah, 180. Les conférences, les cours, il doit avoir peut-être 1000 heures. Le type, il a dû regarder 1000 heures, miskin. Il a dû regarder peut-être 1000 heures. Ou là, des centaines d'heures, ou là, des dizaines d'heures, et même s'il a regardé, dit, pour chercher des erreurs. Mais Allah, Ajib, il croyait quoi qu'il allait pas trouver des erreurs? Oh, Allah, tu vas trouver plein d'erreurs. Walakin la nuzaka Allah, je pense pas que tu vas trouver plus d'erreurs que de qualité. Lakin, il a regardé, il a cherché. Mais prends ces heures-là, mais va écouter des cours de l'ulama. Toi, tu parles de l'ulama. Va écouter le kibar, ya Abdullah. Ah, moi, tu vois que je fais quelque chose de grave, et j'appelle les gens à la bid'a, al-mukaffira, al-mufassiqa, et tu m'en as clairement, gentiment, t'as voulu le bien, je me suis pas corrigé ouvertement, j'ai plus de mal que de bien, et la akhiré, là, d'accord. Mais nous, on en est arrivé là ou quoi? Subhanallah, ajib. Et ça, c'est les gens, wallah, Allahu musta'an. Lakin, ala kulli hal. On continue avec les paroles de l'ulama. Et ici, l'imam Malik toujours, et c'est Ibn Rajab al-Hanbali qui cite dans son livre. فضل علم السلف على علم الخلف. Il dit, قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الجدال والمراء في العلم. Ici, il dit, avec une traduction approximative, la controverse et la polémique dans la science, l'imam Malik a dit, font partir la lumière النور من القلب, la lumière du cœur. الجدال et la polémique, la controverse font partir la lumière du cœur. Donc toi, quand t'as exposé, stop. Celui qui te suit, fa marhaban wa lillahi alhamd. Celui qui te suit pas et qui veut pas et qui n'est pas convaincu, bi kulli ihtiram, assalamu alaykum. Khalas, tu dois t'arrêter là. Clair? Ceux qui veulent faire le fitna, ça c'est autre chose. Qui touche à ton honneur, ça c'est autre chose. Qui toi t'es responsable, par exemple, dans une mosquée, ou alors tu fais une chose, et des gens, alors que t'es responsable, tu vas rendre des comptes, ils veulent faire le fitna dans la mosquée, etc., là c'est autre chose. Mais amma la polémique, ou alors on te dit des choses sur ta da'wa, wallah, on veut pas t'écouter, on vient pas à tes cours, on va, mais salamu alaikum, faut même pas, et là j'exhorte ma propre personne, ainsi que vous et mes frères et sœurs que j'aime en Allah, azza wa jal, se casser la tête. Wallah al-adim, parce que tu vas te rendre malade. Khlas ya akhi, bi kulli ihtiram. Et ça normal, adi. واضح. Et ici, il est rapporté. Et dans leur discours, ça c'est toujours dans le livre d'Ibn Rajab al-Hanbali, hein. Ici, et dans leur discours, c'est-à-dire les discours de l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, wa ghayruhum, leur dire, on trouve des rad aux paroles, des réponses, des réfutations, aux paroles qui contredisent la sunna. Écoutez bien là, on trouve ça. Parce que c'est normal, c'est à l'oulam du pas, on doit pas répondre ou réfuter, non. Mais tu réfutes et continue à parler, c'est la polémique. Clair? Et aux paroles qui contredisent la sunna, écoutez bien, avec les plus simples des désignations. Toujours ils étaient simples. Avec les plus simples des désignations et les meilleures expressions. Ils étaient simples et ils avaient les meilleures des expressions. Khayrul kalam ma qalla wa dal. Clair? Et ça? Parce que c'était encore frais. Ah, ils étaient proches de quoi? Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Ils rappellent comment ils étaient salaf. Parce qu'ils étaient proches de l'éducation du prophète alayhi salatu wasalam. Qui parlait peu, mais après tu peux tirer des milliards de profits. C'est pour ça que tu entends, voilà, un tel savant, il a fait 10 tomes, il a fait 8 tomes sur un verset coranique, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa ikhlas, il a fait des livres et des livres, il a fait des paroles. Subhanallah. Parce que eux, ils profitaient comme ils se devaient. Et quand ils prenaient des paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui étaient courtes, al-ulama, ils en tirent des centaines de profits. Et quelquefois, ils en parlent pendant des heures et des heures et des heures. Pourtant, c'est une phrase du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, il dit, rahimahullah, à tel point que les discours de ceux qui vinrent après, regardez ce qu'il dit, à tel point que les discours de ceux qui vinrent après ne sont d'aucune utilité. Bien plus, leur long kalam ne renferme pas l'exactitude, le bon sens que renferme le kalam des salafs et des grands imams alors qu'ils étaient simples et concis. Clair? Comme l'a dit l'imam Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, alors qu'il entendait des gens qui polémiquaient, il dit, ceux-là sont des gens qui se sont lassés de l'ibada. Ceux-là sont des gens qui se sont lassés de l'ibada. Et ont minimisé la parole et leur peu de scrupules vis-à-vis d'Allah, alors ils ont parlé. Clair? Et ici, il rappelle le fait de ne pas prolonger les paroles. Ici, avec la parole, ici de ne pas prolonger les paroles, et cela est tiré de la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes, j'ai reçu jawami'il kalim, kama fi sahih, certes, j'ai reçu jawami'il kalim, c'est-à-dire, avec peu de mots, ici, il a réussi à faire comprendre énormément de choses, rapporter beaucoup de choses, faire comprendre énormément de choses, avec des mots concis. Khayrul kalami ma qalla wa dal. Et sa parole au prophète alayhi salatu wassalam étaient les paroles les plus concises qui ont existé, et c'est pour cela où qu'il soit, et c'est pour cela qu'il a été rapporté la réprobation, la mauvaise chose qui est le fait de s'étaler dans l'abondance de la parole et dans al-qil wal-qal, dans les on-dit. Clair? Et ça, c'est une réponse à ceux qui disent, oui, mais regarde le rat de 2 heures. Ah, donc ici, regardez. C'est une parole de 2 heures fondée sur Al-Jidal. Et donc, normalement, si la personne, elle avait bien compris la religion, c'est-à-dire, soi-disant, elle a exposé. Ça m'a été exposé, les erreurs. Donc, on part dans la logique. S'il avait bien compris ces paroles-là, il aurait dit, on lui a exposé. Il ne veut pas se réformer. Donc, normalement, il s'arrête ou pas? Non, là, il ne s'arrête pas et on dit il a fait un rat de 2 heures ou de 3 heures. Donc ça montre qu'il est rentré dans le djidel et les longues paroles ne prouvent aucunement, et surtout dans le djidel et sur la voie de le djidel, ça prouve aucunement que c'est le haq. Bien au contraire. Wadih, fin des paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala concernant ce sujet-là. Wadih, c'est clair? Et ça, bi'idhnillahi azza wa jal, c'est des paroles qui valent plus que de l'or, fawarabbil ka'ba est essentiel. Et inshallah ta'ala, on va s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on va faire une petite pause, parce que le maghrib c'est bientôt, inshallah, on fait salat al-maghrib, et de le maghrib al-isha, on va faire la dernière intervention normalement, inshallah, concernant ce séminaire, bi'idhnillah azza wa jal. J'ai essayé de réunir le maximum de règles impératives pour avoir un minimum de base dans le minhaj al-sahih, et pour savoir comprendre un peu al-bid' al-mubtadi'. Ça, c'est essentiel. Comme ça, tu vas voir un peu plus où tu vas. Et pour comprendre les choses un peu plus clairement. Et ensuite, bi'idhnillahi azza wa jal, celui qui va approfondir sa science sur ce sujet-là, et il a les moyens de trouver une personne qui peut, avec qui il peut approfondir plus dans les détails, qu'il le fasse. Amma, bien sûr, moi, le but, c'était au moins de finir le premier chapitre au moins, mais le temps ne nous le permet pas. En tout cas, Allah Azza wa Jal ne nous l'a pas permis. Walakin khayr ala kulli hal. Et bi'idhnillahi azza wa jal, la suite, inshallah ta'ala, du sharh de ce livre. Probablement, on en fera un deuxième séminaire avec une suite, ou alors je ferai une série de cours sur la suite du sharh de ce livre jusqu'à le terminer, inshallah ta'ala. Donc, rendez-vous après Salat al-Maghrib, c'est-à-dire à 20h45, à 22h à peu près, c'est ça? À 22h à peu près. Et on fait la dernière partie et on essaie d'avancer un maximum, inshallah ta'ala. Wa barakallahu fina wa fikum wa alhamdulillahi rabbil alameen. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته